Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le dernier débrief de la saison. En dehors de la série estivale Fear the Walking Dead qui nous occupera au mois d'août, là on va vous faire le dernier débrief de la saison régulière, on va dire. On va vous parler de la saison 1 de iZombie, la série qui a démarré cette année sur la CW. On vous avait parlé, je crois, du pilote et du deuxième épisode, et on ne s'était plus concerté sur cette série depuis, donc il est temps de faire le bilan de cette saison. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 19e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost, and then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et cette semaine avec moi, donc, pour faire le bilan d'iZombie, Arnaud. Salut. Et Manon. Bonsoir. Allez, on va faire la même structure que pour tous les bilans. Il n'y a pas de raison qu'on change sous prétexte que c'est le dernier et qu'on est presque en vacances. Presque, parce que... la note, tout de suite, sur la saison. Une note entre 0 et 5, pour donner un petit peu le ton de l'échange qui va venir. Et on va commencer dans le même ordre que la présentation, c'est-à-dire Arnaud. Oui. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je vais dire 4. D'accord. Manon ? Bon, puisque Arnaud est gentil ce soir, je vais dire 4 aussi. D'accord. Et pour moi, ça sera un petit 3. Allez, 3. On va donc en discuter maintenant. Donc visiblement, vous avez aimé. Oui. Je suis plutôt plus mitigé. Mais pas forcément pour des raisons comme pour celle de Gotham ou pour Constantine. Voilà, c'est pas... on va commencer par quoi ? Par les personnages. Les personnages. Alors Liv, l'héroïne, hein, pour commencer. Que... Bah elle est... Ouais, c'est un zombie, donc ouais, voilà. Son jeu d'actrice, c'est un peu comme ça, entre le bon et le pas bon. Oh, elle est jamais catastrophique. Non, non, mais elle est jamais brillante non plus. Elle en fait un peu trop au début. On comprend pas pourquoi elle est autant affectée par les cerveaux qu'elle mange, et par exemple, quand tu vas à Lowell ou les autres, ils sont pas autant affectés par la personnalité, donc t'as l'impression qu'elle en fait trop, un petit peu. Oui, parce que c'est la seule, effectivement, où on voit vraiment cet effet. On le voit un petit peu plus tard sur son mec, là. Bah, Lowell, c'est ça? Ouais. Oui. On le voit un petit peu, à un moment où il a mangé le cerveau d'un gay, notamment. Bah oui, mais ça s'est pas trop affecté. Mais effectivement, son comportement n'est pas non plus hyper changé. Ouais. Le seul truc que je reproche, c'est qu'elle en fait un petit peu trop. Bon, après, par contre, on peut pas lui reprocher de ne pas apporter toute une palette à son personnage, puisque à chaque épisode, son personnage est différent. Ouais. Et ça passe plutôt bien. Mais je ne retiens pas de... Voilà, je serais incapable de citer une scène où elle m'a transcendé, une scène que je retiens de sa performance sur la saison. Il n'y en a pas. Bah, peut-être pas à retenir forcément, mais dans les derniers épisodes, autour de... sans rentrer dans les détails, mais autour de... Comment il s'appelle? De Major. Quand elle lui avoue tout ça, il y a des moments assez intéressants dans son jeu. C'est pas extraordinaire non plus, on peut pas lui remettre un ennemi. Mais il y a des scènes où elle sort un petit peu de... Parce que l'émotion devient plus intense au fil des épisodes aussi. Et puis on sent les personnages, enfin les comédiens plus à l'aise dans leur rôle aussi. Mmh. Ah bah il y a une période de chauffe, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une période de chauffe là de 2-3 épisodes, et après oui ça va un peu mieux. Bon, voilà, bon bah Liv, moyen sans plus on va dire. On va passer à Ravi peut-être, et puis en même temps on va parler de l'inspecteur Babino, parce que ça fait quand même, ils forment quand même un trio les trois. Bon, moi Ravi j'aime beaucoup. C'est le personnage coup de cœur, je pense, c'est le plus intéressant. C'est peut-être celui aussi qui bouge le plus dans la saison. Enfin, qui est le plus développé, en tout cas. Bizarrement, c'est pas forcément Liv. Moi, je trouve pas que c'est le plus développé. Moi, je trouve qu'il arrive, enfin, qu'il arrive plein de trucs, mais. Oh, pas tant que ça, non. Qu'il a quand même pas mal changé, quoi. Tu le trouves changé, toi? Ouais, moi, je le trouve changé, ouais. Non, parce que je trouve que au départ, il est exactement pareil. C'est le mec drôle qui est là pour apporter un peu d'humour à la série. C'est le scientifique qui essaye de trouver un remède. Il a un petit peu des fois des scènes un peu décalées ou des références un peu geek, etc. Il est un peu le lien entre plusieurs personnages, entre Liv et Babino pour la partie enquête et avec Major pour plus la partie émotion ou relation entre les personnages, notamment avec Liv. Mais à la fin de saison, je trouve qu'il apparaît du début à la fin. Et ils essayent d'installer une relation avec Peyton, mais c'est pas développé. En fait, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements. Je trouve qu'il est changé parce que justement, comme tu le disais au début, c'est la caution comique un peu de la série. Mais plus la série avance, plus on s'aperçoit que le personnage qui lit tout le monde, c'est pas Liv, c'est lui. Il est en relation avec tout le monde, il est en interaction avec tous les personnages, il est de la plupart des intrigues, et pas forcément que les intrigues comiques comme il peut l'être au début. C'est en ça où moi je le trouve changé, et où je trouve que il est vraiment central dans la série. Ils font un peu ça pour tous les personnages. Au départ, on croit aussi que Major, par exemple, il est un peu trop... Le beau gosse et un peu con, quoi, on va le dire. Voilà, il a la tête à ça. Mais tu vois bien qu'ils prennent ce parti pris et ils le retournent. Ils l'appellent souvent Ken et tout ça. Enfin, ils font de l'autodérision sur leur propre... Et ils retournent un petit peu comme Ravi. Il n'est pas qu'un seul faire-valoir comique. Major n'est un peu, est plus que Lex qui est jaloux et qui tourne autour. Ils prennent à peu près tous les personnages. Et ils vont pas dans le sens du préjugé qu'on pourrait s'attendre. Oui, au départ, c'est le beau gosse qui est là pour attirer les spectatrices sur la chaîne. Mais par la suite, il est beaucoup plus développé, il est vraiment au cœur de toutes les intrigues. Ouais. Par contre, lui, il a quelque chose qui est un des points faibles, enfin, une des choses que j'ai vraiment très moyennement apprécié sur la série, c'est... ça va quand même super vite, quoi. Il accepte la condition de Liv quand elle lui dévoile hyper vite, quoi. Le mec, il se pose pas de questions, il a pas de rejet, machin. C'est la meuf, elle lui dit, je suis un zombie. Ouais, ok, cool. Viens me faire un câlin. Ok. Non, la première fois qu'elle lui dit, il a l'impression d'halluciner. Et après, il s'en rappelle. C'est une hallucination. Je crois pas. Si, c'est une hallucination. Hein. Dans la cuisine, là, c'est une hallucination. Hein. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Bah, moi non plus. Et d'ailleurs, j'étais hyper dérangé quand dans le dernier épisode, elle lui redit. Alors que pour moi, il le sait déjà. Et pourquoi tu vas lui redire? Et pourquoi tu fais semblant de pas savoir? Tu le sais déjà. C'est une hallucination. Il avait mangé le cerveau du gars de l'hôpital psychiatrique. Et comme le gars de la météo qu'elle voyait pendant tout l'épisode. Au final, il l'a tué. Ouais. Il le savait pas. Oui, bon, enfin, comme par hasard. Oui, non, mais enfin, même si j'avais oublié l'hallucination, j'avais compris qu'il y avait un truc qui faisait en sorte qu'il s'en rappelait plus ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ils nous ont fait une Smallville, quoi. On lui a dit, il a oublié, ou alors c'était une hallucination, et puis après on lui redit. Ouais, mais enfin après là, il était même pas là dans la pièce, en fait. Hein. Oui, c'était une hallucination. Mais la deuxième fois, ou plutôt la première fois qu'il l'apprend, j'ai pas trouvé non plus qu'il l'accepte super bien. Il acceptait que les zombies existaient. Déjà, ça fait 10 épisodes qu'il est en train de se convaincre que les zombies existent. Après, il découvre que son ex est une zombie, mais il est sur le point de mourir, donc il est quand même un peu con. Parce que si, effectivement, il est au courant que les zombies existent, machin et tout ça, mais jamais il percute que sa copine s'en est un. Jamais, oui, quoi. Non, la meuf, elle est blafarde, enfin. Ça vaut pour tout, un peu. Ouais. Bien sûr, c'est stupide, ça. Et pourquoi tous les autres zombies de la ville se teint les cheveux, mais pas elle? Ah bah non. Ils en parlent, à un moment, comment il s'appelle, Blaine, elle lui dit, si tu veux te faire bronzer. Ouais, bronzage si aussi, ouais. Mais non, mais moi, je veux pas être self-hating. Enfin, en gros, elle s'accepte comme elle est, elle veut pas prétendre être... Je crois que c'est mais elle ça. Le cache à tout le monde et elle veut pas être avec, elle veut plus rien avoir avec son ancienne vie. Oui, mais elle veut pas se cacher apparemment. Enfin, c'est vrai qu'il l'aborde pas vraiment, mais on peut comprendre. Enfin voilà, il y a quand même énormément de facilité, je trouve, là-dedans. Oui, mais ça enlève pas tout ce qui est à côté, qui est vraiment très surprenant, parce qu'au départ, quand on a entendu parler de cette série, qu'on a vu les premières images, enfin, je sais pas vous comment vous avez réagi, mais moi je pensais que ça allait être une daube. Moi j'ai adoré le générique. Oui, non, mais je te parle quand mais j'avais pas regardé le trailer. Je l'avais jamais vu. Je l'ai même aujourd'hui, mais encore pas vu. Le synopsis, tu t'es dit une série comme ça, c'est super CW, ça va pas être terrible. Oh, j'étais pas. Non. Moi, j'avais un mauvais avis au départ et j'étais agréablement surpris et ça changeait vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la chaîne. Et vraiment, les derniers épisodes, pour le coup, ça changeait beaucoup de ce qu'on peut voir sur la chaîne. Oui, sauf les têtes. Le mec de One Tree Hill, on le casse dedans. L'autre, il a fait Vampire Diaries, allez, hop. La gonzesse qu'on a vue dans Arrow, allez, on va te la recoller dedans. Bah, et alors, il faut bien qu'il travaille. Hein. Oui, mais du coup, ça change finalement pas tant que ça de ce qu'on peut voir sur la CW, parce que déjà, les têtes, on les connaît. Et puis, ça change le niveau de l'écriture. Hein. Oui, parce que effectivement, c'est un genre nouveau et c'est Même le concept est le niveau nouveau, d'écriture, mais c'est pas que Gossip Girl ou Vampire Diaries. Enfin, c'est quand même mieux écrit et dans l'ensemble mieux interprété. Même si on va pas sauter au oui, plafond pour non plus. l'interprétation, je suis d'accord. Après, pour l'écriture, avec tous les raccourcis et tous les trucs qui m'ont un peu gêné, justement, les raccourcis, les simplifi... la facilité de certaines choses où on se débarrasse un peu trop vite de, voilà. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas forcément mieux écrit qu'un Vampire Diaries début de la série, hein, je parle pas de maintenant. Ouais, je suis pas convaincu. Je sais pas, je trouve que c'est trop facile. Mais des fois, faire compliqué, c'est pas forcément mieux, hein. Non, mais sans être Ça compliqué, marche, c'est qu'on est pris dans le truc, il y a de la tension, il y a du suspense, on s'attache au Ouais, personnage. surtout dans les derniers épisodes. Ah non, mais je suis d'accord, hein. Je les ai regardés à la suite quasiment, hein, puisque j'avais beaucoup de retard sur la série. J'ai pas décroché, j'ai enchaîné les épisodes, machin. Ah bah ça, ok, pas de problème. On parle de comics, de certains comics qui sont des vrais page-turners, c'est-à-dire on y commence et puis on tourne les pages et voilà, on est accroché. Ça m'a fait exactement le même effet pour ça, mais j'ai quand même été hyper dérangé par certaines, ouais, facilités. J'ai l'impression qu'il y avait des trucs qui les embarrassaient, ils savaient pas trop comment s'en dépêtrer. Bah c'est pas grave, on les efface de la manière la plus facile et la plus. Allez, hop. T'as quoi en tête Ouais, par exemple? et on passe à la. Mais il y a tellement de choses en fait. Mais c'est notamment surtout autour de la révélation de la condition de Liv, on sentait bien que ça les embarrassait, qu'ils savaient pas trop comment se démerder avec tout ça vis-à-vis de. Merde, j'ai oublié le nom de l'ex. Blaine? Major. Major. Major. On sentait bien que ça les dérangeait, machin. Donc ils ont trouvé, hop, allez. Puis en fait, non, c'est une hallucination. Puis. Non, moi, ce qui m'a plus dérangé à ce niveau-là, c'est que tout le monde le découvre d'un coup. T'as Major qui Ouais, et puis. l'apprend, et peut-être un ou deux épisodes avant, t'as Peyton qui l'apprend aussi. Et puis au C'est un peu final, on. rapide. C'était une hallucination. Mais il l'apprend dans le final, quand même. Et elle l'apprend un Oui, ou deux épisodes entre le avant. 11 et le 13, il y a que deux épisodes, hein, c'est pas non plus. En trois épisodes, il y a tout le reste du casting qui l'apprend Et puis quasiment. même l'épisode final, enfin, bon, déjà, il est pas à se taper le cul par terre. Enfin, franchement, Oh, si. c'est pas un. Pour moi, il fait plus mi-saison que finale, en fait. Il me manque des trucs, je sais pas. Il y a quand même Il y a plein de. tout, il te résolut l'intrigue et il te lance des pistes pour la prochaine saison. Oui, la résolution de l'intrigue, Pour moi, ça je suis s'appelle un filler. d'accord, mais après, le coup du frère qui va aller. Après, c'est peut-être pas satisfaisant. Le coup du frère qui va aller exploser avec le magasin, là. On l'a vu depuis. Depuis, de, Voilà. depuis, de, depuis très longtemps, on a vu voilà, il allait être Oui, en. on se doute qu'il allait être en danger. Voilà. Mais au final, il n'est pas en danger comme on aurait pu le penser. On aurait pu penser qu'il le kidnappe ou quelque chose comme ça, qu'il l'enferme et qu'il fasse chanter Liv ou quoi. Au final, Ah oui, non, il moi je pensais explose vraiment que. et elle doit lui donner son sang et au final, elle veut pas parce que ça le transforme en zombie. Voilà, puis vas-y, je transforme Major parce que je veux pas qu'il meure. Ah, ça, c'est Bah pas. ça aurait Je suis d'accord sur ce point. C'était trop facile il y de aurait eu penser. plus de panache. Il meurt ou il meurt pas, mais tu te sers pas de ça. Enfin, je transforme. Je sais pas, Ah, j'étais un peu déçu. C'était trop facile, encore une fois, je trouve. je trouve pas ça spécialement stupide. C'est pas stupide, mais c'est facile. Bah, enfin, pas spécialement, ça peut apporter des choses intéressantes. Mais faut pas non plus qu'ils en jouent trop. Parce que là, il a été transformé. Elle lui a injecté le remède, on ne sait pas s'il fonctionne réellement. Faudrait pas que dans 20 épisodes, il redevienne un zombie encore. Faudrait pas se foutre de notre gueule, c'est pas Et Vampire puis, Diaries. et ben justement, pareil, le frère, est-ce qu'il va devenir un zombie ou pas? On a eu quasiment la même chose sur un cliff de fin de saison dans Vampire Diaries, après la fin de la saison 1, peut-être même, si ça se trouve, où on a eu quelque chose comme ça. Donc voilà, Ouais, mais c'est pas nouveau, quoi. c'est un cliff. Oui, mais Enfin, c'est pas nouveau, c'est. on ne demande pas forcément d'être original et nouveau, de faire le boulot. C'était Bah. plaisant, c'était intense. Tu lis toi-même d'enchaîner les épisodes. Ça fait son boulot d'une saison sans se prendre la tête. Hein. Ah bah non, c'est sûr que voilà, c'est pas. C'est une série, effectivement, où on se rend pas la tête. C'est plaisant, non mais vraiment, hein, c'est plaisant à suivre. Et c'est vraiment là où je suis un peu tiraillé, justement, au moment de donner une note à cette saison. C'est que c'est plaisant à suivre, mais c'est quand même bourré de facilité et c'est Facilité, dommage. c'est pas forcément. Ça veut pas dire que c'est une félicité de velu, il y en a partout. Non, bah non, bon, ça c'est clair. Et du coup, c'est ça qui. Certes, j'enchaînais les épisodes, mais plus la saison avançait, plus je me disais, oh non, quand même, oh, c'est un peu facile quand même de faire ça. Et puis pareil, jusqu'au cliffhanger de fin, quoi. Le frère va-t-il devenir un zombie? sais pas, je trouve que c'est le point faible, voilà, c'est le point faible pour moi de la saison. Après, pour le reste, je suis plutôt convaincu, j'ai plutôt apprécié. Je place cette série de toute manière bien au-dessus de Gotham, de Constantine et compagnie. Là, on se fait aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je regrette la facilité, c'est parce que j'ai apprécié et j'ai passé de bons moments à regarder ça. Bref, Babino, du coup, on n'a pas trop parlé de lui sur la saison. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il est passé, il est développé dans un épisode. C'est un peu, peut-être un peu le défaut de la série. Il est développé dans un épisode où elle croit qu'il est ripou. Mais sans plus, sinon. Ah oui, cet épisode, oui, d'accord, oui, je... Il est pas déplaisant comme personnage, mais il est pas non plus... J'ai bien aimé que, on fasse pas le, par exemple, dans Psych, où, ils croient pas que c'est un, comment dire, un psychique. Enfin, il y a tout ce... c'est toujours la même chose dans Psych où est-ce que c'est vraiment un médium ou pas? Non, il le croit pas. Ah oui, d'accord, Là, il roule, enfin, il va avec. Je peux parler français. Il se pose oui, pas il de se pose questions. pas de questions, Voilà. voilà, il la Elle arrive croit. à m'aider. Alors bon, bah si je la crois ou pas, c'est pas grave. Du moment qu'elle arrive à me faire à résoudre des affaires tentatives, enfin, il n'y a pas Mais le encore une fois, il la croit super facilement. Oui, mais moi je trouve que c'est bien parce que si tu mets un médium et que les gens sont toujours en train de se poser la question est-ce que c'est vraiment un médium ou pas, au bout d'un moment ça C'est bien devient redondant, c'est énervant. D'ailleurs, au final, à part le frère, c'est le dernier à ne pas savoir. Non, bah bio. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier, hein, c'est le pauvre couillon. Mais la bio, il sait pas. Non, c'est justement, c'est le dernier à pas savoir, avec le frère. Bah oui, mais ses parents non plus. Oui, mais Oui, mais le dernier. on les voit pas souvent, alors que le frère, on va être amené à le voir, à mon avis, hein, la saison prochaine. Le frère, on le voyait pas souvent non plus, Marc. Non, mais je pense que voilà, en saison 2, il va avoir son importance. D'accord, oui. Oui, bon, Babito, effectivement, bon. Le love interest de Lee, vous en avez pensé quoi? Lowell. Ouais. M'intéressait pas tellement, mais Bah, moi, j'ai bien aimé le personnage. il était Il était sympathique. bien, mais Mais encore une sans fois, plus. facile. Enfin, il tombe amoureux en deux épisodes, même pas. Après, ils avaient que 13 épisodes, donc il fallait qu'ils accélèrent un petit peu les choses. Oui! Vous n'avez pas une saison de 22 épisodes. Oh, c'était pas le plus choquant, ça. C'est juste que Oui. ce personnage, il est pas très charismatique. L'acteur, j'aime moyennement aussi, donc il me laisse pas une Bah, grande je l'ai impression. préféré dans Merlin, personnellement. Je l'ai pas aimé non plus dans ma main. En roi Arthur, il était un peu gauche, un peu con. Il passait bien. Là, Paraît qu'il bon. l'est dans la vraie vie aussi. Ah bon? Un peu D'après gauche? des amis journalistes qui l'ont en interview, il paraît qu'il est assez con aussi. D'accord. Donc il est parfait dans le rôle. Ouais, finalement. Mais non, je sais pas, il était. Non, mais il était pas déplaisant non plus, mais enfin. Voilà, je regrette qu'il n'ait pas été plus développé et qu'on ne l'ait pas vu un peu plus. Parce qu'au final, c'était vraiment une cartouche. Voilà, c'était infusible dans la saison, quoi, au final, son rôle. C'est ni bien ni pas bien, hein, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus sur ce personnage avant qu'on s'en débarrasse. Ouais. Bon, je pense pas qu'elle avait tant de choses que ça à apporter. Surtout sur son histoire, son passé, tout ça. Bon, Enfin, ça il aurait était pu être juste connecté intéressant. à Blaine, et puis une fois qu'ils avaient plus besoin de lui. Ça aurait pu être intéressant d'en savoir un peu plus sur son passé. On sait même pas comment il a été transformé. Si? C'est Si, Blaine qui mais a il était à la transformé? soirée. Il était à la Ah, il soirée. était à la soirée? Ouais. Ok. Puis on aurait pu avoir un triangle amoureux qui pourrait plomber la fin de la saison. Ouais, j'avais peur de ça. Vraiment, non. C'est bien qu'ils Oui, soient ça, on a débarrassés. au moins évité ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'aurais bien aimé les voir en tandem un peu tous les deux sur des enquêtes là, au moins une fois. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'il était sous-exploité et on aurait dû voir venir sa fin en fait. On aurait dû venir voir Parce que là, en fait, rien à battre, ça, enfin, Oui. on n'a pas eu le temps d'y attacher, quoi, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage intéressant? Il y a Peyton. Enfin, c'est pas intéressant, mais Peyton, ça. ah oui, la coloc. Ouais. Au final, elle sert pas à grand-chose. Non, c'est sûr. Sous-exploité. Après, pareil, ils ont 13 épisodes, à voir l'année prochaine s'il y a plus d'épisodes, s'ils peuvent Oui, puis faire mieux. est-ce qu'elle sera encore là, Peyton, la saison prochaine? Oh, oui, elle va revenir. Ouais, ils ont pas laissé ça, son histoire comme ça. On sait pas ce qui s'est passé, en fait, elle est juste partie. Mais j'aime bien ce format de 13 épisodes. Les Oui, non, ça passe bien. histoires Ça... rallonges, c'est... T'as Non, pas moi... de Ça n'a pas ventre mou, c'est d'histoire. sûr. Au Y a moins, pas ils de vont droit creux. au but. Hein. Voilà, y a pas de creux, y a pas d'épisode un peu bouche-trou comme on peut avoir Je sur les pense pas qu'il y longues. aura une saison complète, donc, pour la Bah, saison 3. le format en 13 est bien, enfin, ça convient. Et puis, en plus, c'est une saison, voilà, qui commence enfin, ça commence en fin d'hiver, ça nous accompagne le printemps. Enfin, voilà, c'est la bonne période pour cette série. Par contre, alors qu'est-ce que j'allais dire du coup? Il y a Blaine aussi. le grand méchant. Oh là là, bah alors lui. Mais l'acteur aussi. Le problème, c'est aussi l'acteur là, parce que franchement. Il a bidi à tous ces rôles-là, il a toujours le même rôle. Il manque tellement d'ampleur. Ouais. Enfin, il est. Ouais, il est. Je sais pas si c'est du charisme, de l'ampleur, ou je sais pas ce qui lui manque, mais en grand super vilain de la saison, il. Enfin. Il fait pas vraiment le poids, quoi. Peut-être que c'est l'acteur hein, qui arrive pas à porter ça. Et... Ouais, parce que le personnage. Moi, j'ai envie de lui rigoler à la gueule, en fait. Bon, non, pas à ce point-là. Enfin, j'en ai pas rien à foutre du personnage. Mais il t'impressionne pas une seconde. Ah non. Mais c'est peut-être plutôt l'acteur que le personnage, parce que au final, le personnage, c'est vraiment un taré. Ah oui. Il va quand même transformer des gens juste pour leur vendre des trucs. Il a été buté à un astronaute. Non, mais il dit, voilà. Et puis sa petite charcuterie. Le personnage tel qu'il est écrit et tel que, voilà, les caractéristiques du personnage, effectivement, c'est un fou furieux. Mais joué par ce mec. Ouais, c'est l'acteur qui va, franchement, on a trop vu sa tête déjà. Bah, puis en plus, enfin, il avait déjà le rôle d'un de super méchant dans Vampire Diaries, déjà sur. Heroes. Oui, enfin, puis voilà. Il trouve... fait toujours des rôles de méchants comme ça. Ouais, c'est pas vrai. Aussi. Enfin, voilà. Donc, du coup, ouais, peut-être aussi que vu et revu avec cette, la même tête et ça passe peut-être moins. Peut-être. Ouais. Bon, pour le reste, on va pas faire la comparaison avec les comics, hein, c'est très différent. On a déjà parlé, lors de l'émission où on avait présenté les comics à les zombies. Ça se confirme, hein, tout ce qu'on avait connu dans les comics et tout ce dont on avait parlé, on le retrouve pas, c'est vraiment quelque chose de très différent. On prend juste la base, les caractéristiques du personnage principal et on construit un univers autour. C'est pas forcément dérangeant. Non, c'est même mieux, je trouve, parce que par rapport à ce que j'avais lu, j'en avais lu deux ou trois et. Oui, t'avais pas accroché, toi, je me rappelle. Non. Et puis le vrai ton d'Eye Zombie, je suis pas sûr, ça aurait collé à la chaîne. Et... Non, puis ils ont trouvé un bon mélange entre drame et comédie, ça se mélange plutôt bien. Puis en plus, dans la grille de diffusion, c'était juste après Flash, c'est ça? Ouais. Donc oui, le combo... Soit DC... Le combo est intéressant. Le combo est intéressant. Plein de clins d'œil dans cette saison, de clins d'œil, de références. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Souviens-toi été dernier avec l'avant-dernier épisode. Des petites choses comme ça. Je veux dire des références culturelles. Enfin, oui, voilà, oui, culturelles et même geeks. Oui, ils ont pas. Après voilà, on a aussi le créateur de Veronica Mars qui est derrière ça, qui était aussi déjà. Enfin, voilà, on est un peu à la maison quoi. Même dans l'ambiance, on retrouve quand même des similitudes. L'ambiance marche bien. Oui, c'est peut-être ça aussi qui m'a plu. C'est effectivement cette ambiance un peu à la, enfin pas à la Veronica Mars parce que le contexte est différent, mais il y a quand même ce ton et quelque chose quand même des répliques assez cinglantes de l'héroïne. C'est, voilà, cette héroïne qui enquête, mais qui a pas forcément toujours les épaules pour. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a accroché. Rien d'autre sur cette première saison ? Non. Non, on a fait le tour. Alors, reviendrez-vous en saison 2 du côté d'Eye Zombie ? Oui ? Bien sûr. Moi aussi, c'était plutôt plaisant, donc j'aurais tort de me priver de ça. Donc, rendez-vous la saison prochaine pour la deuxième saison d'Eye Zombie. Voilà qui clôture notre émission et qui clôture également notre vague de bilan de toutes les séries qui ont été diffusées cette saison. Il nous restera, je vous le disais tout à l'heure en intro, Fear the Walking Dead à vous traiter dans le courant de l'été, parce que la série commence en juillet. On va se retrouver encore une fois cette saison, avant de prendre une petite pause estivale pour le format classique de l'émission. On va se retrouver une dernière fois, donc la semaine prochaine, pour faire un bilan global, on va tout mélanger, toutes les séries, toutes les chaînes, et voilà, on va s'attarder sur nos coups de cœur, nos petites scènes préférées de la saison, peut-être notre personnage préféré de la saison, etc. Voilà. On va faire un petit bilan comme ça de coups de cœur et peut-être même aussi les flops aussi de la saison, parce qu'il y en a eu quand même eu pas mal. C'est assez surprenant d'ailleurs, cet écart entre les très très bonnes séries qui nous ont vraiment accrochés et puis le reste, quoi. Donc voilà, on fera le point sur tout ça la semaine prochaine. Et puis après, on prendra donc une petite pause estivale avec un programme un peu différent. D'ici là, vous pouvez nous retrouver évidemment sur nosécrans.com et sur comicstories.fr pour nos articles habituels. Sur Twitter également, sur nos écrans et Comic Stories. Si vous avez des suggestions concernant nos podcasts, des remarques, des idées de thèmes pour la Padawan Edition, vous pouvez toujours le faire par mail, redac@comicstories.fr. Et bien sûr, vous retrouvez toutes les anciennes émissions sur iTunes et PodCloud. À la semaine prochaine pour le bilan de cette année. Et d'ici là, bonne série et à bientôt. Salut. Bonsoir.